pronto soccorso. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin au microphone depuis les studios de CKRL à Québec. La Croche-Oreille, vous le savez, c'est 60 minutes de sonorités nouvelles ou actuelles. Pas trop musique, mais très centrée sur l'écoute, les plaisirs de l'oreille. Tout ça à travers les créations sonores imaginées par des artistes, qu'ils soient musiciens ou pas. Voilà, en première partie d'émission, on va écouter des œuvres glanées dans le répertoire sonore des artistes Christian Schiffner et Banana Fish. En seconde demi, on fera ensemble une brève incursion dans l'univers sonore de l'artiste américain Darin Harper. Et pour lancer la balle sonore, on écoute une magnifique création de Christian Schiffner. Ça s'intitule « Février ». C'est tiré d'un album intitulé « Februar plus Folgen des », donc « Février et suivant », si je traduis. Christian Schiffner, c'est un artiste sonore qui explore depuis un petit moment les sonorités électroniques, qui capte les sons sur le terrain et qui crée des univers de sonorités qu'on pourrait qualifier de mystérieuse, voire même un peu impalpable. Je vous ai déjà présenté le travail de Christian Schiffner par le biais de son label de création intitulé Fault, dont il assure la direction artistique et la diffusion des productions sonores de nombreux artistes. La création que je vous propose, bon, intitulée Février et suivant, c'est une création réalisée en février-mars dernier, donc 2023, une magnifique bande sonore composé de sons impossibles à identifier, à la fois proches du chez-soi et de lieux fort lointains. Alors on écoute cette belle pièce, Février. Thank you. très belle création sonore de Christian Schiffner qui s'intitule Februar, tiré de l'album Februar plus Folgendes, donc février et ce qui suit par la suite. Voilà, maintenant je vous présente Banane Affiche, un titre, un nom d'artiste tout de même un peu bizarre, mais qui réfère, je dirais, en tout cas pour ce qui est de Banane Affiche, à une création du créateur de manga japonais Yakimi Yoshida, une œuvre réalisée au début des années 90 intitulée Banane Affiche, une histoire rocambolesque de soldats américains qui perd la boule, on va dire ça comme ça, mais Banane Affiche, c'est ici le pseudonyme du concepteur sonore et éducateur nord-irlandais James Wright, dont les paysages sonores, vous verrez, sont construits sur l'amalgame de textures électroniques et des enregistrements qui sont faits sur le terrain, qu'on appelle les field recording. Ces créations visent la méditation, le voyage imaginaire de l'auditeur à travers des lieux, des territoires et des paysages. C'est ce que Banane Affiche raconte. Le projet que je vous propose ce soir a été réalisé dans cette veine. Il s'intitule Snowblind, un titre intraduisible ou presque. Snowblind, l'album lancé en 2022 qui évoque la perte d'un camarade. C'est raconté à travers une collection d'enregistrements réalisés au cours des 15 dernières années, donc un travail de longue haleine. Le projet semble inspiré du film The Last Man, ce dernier homme errant sur une terre post-apocalyptique, essayant de donner du sens à une vie digne d'être vécue, basée sur la réalité ou les souvenirs. L'album est d'ailleurs dédié au regretté grand vagabond et réalisateur du film, Vasilis Dinopoulos, décédé en 2022. C'est un jeune réalisateur, né en 89 tout de même. Les sons et les souvenirs qui leur sont associés, raconte Banane Affiche, sont certes discordants ou encore abstraits, mais forment des paysages un peu gelés, désolés, isolés, se décomposant lentement comme la nature que l'humanité semble malheureusement abandonner. Alors on écoute un enchaînement de trois titres tirés de ce bel album intitulé Snowblind. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission sur des belles sonorités de l'artiste sonore Banana Fish, aka James Wright. Pour se rendre à la pause, on va écouter une dernière pièce de Banana Fish tirée de cet album très beau intitulé Snowblind, l'aveuglement de la neige. Une pièce intitulée Ice Cavern, la caverne de glace. Alors on écoute ça. Je me suis rendu compte que ce qui intéressait cette société, c'est qu'on lui foute des pilules. Vous êtes ici avec Henri Laborie, sur l'antenne de CKRL, MF 89.1, à Québec. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Elle est antipsychotique, elle est antinévrotique, elle est antiépileptique, elle est anti-inflammatoire, elle est analgésique. Je vois le nombre de trucs qu'elle fait. Parce qu'on tape à un endroit de la membrane cellulaire qui est précis et qui fait qu'elle agit sur des quantités de syndromes. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors, on est de retour, c'est l'accroche-oreille. Vous êtes à l'écoute. Depuis les studios de CKRL 89.1, votre poste, au poste de radio est à ckrl.qc.ca sur votre instrument préféré, tablette, ordi portable. C'est un peu l'inventaire. On entame le dernier segment de l'émission avec un projet très planant cette fois. C'est de l'artiste d'origine américaine, Darren Harper. Darren est un artiste sonore et un musicien vraiment accompli, basé au Colorado. Il est actif depuis une dizaine d'années et on le retrouve sur de nombreux labels de musique d'expérimentation. Darren explore le caractère ambiant et expérimental du son. Un amoureux de la nature, en outre, et grand vagabond, dit-on. Alors, je vous propose ce soir un album lancé en 2022, intitulé Summer Loops, donc un album formé de boucles, qui fait partie d'un ensemble dédié aux saisons. Je vous nomme les albums Winter Loop, Autumn Loop, et la méthodologie de Darren est simple, efficace, improviser des boucles à la manière de petits croquis inspirés par le cycle des saisons. Alors, c'est tout de même intéressant comme approche, en utilisant toute la panoplie des instruments électroniques et numériques. Des générateurs d'ondes sinusoïdales, des séquenceurs, des extensions numériques, des pédales de fuzz, des logiciels de son et j'en passe. Je vous propose donc quelques pièces de ce fort bel album, assez planant, vous verrez, constitué de créations sonores d'ambiance et d'expérimentation qui, espérons-le, sont susceptibles d'annoncer l'été. Alors, on écoute trois ou quatre titres. Le premier s'intitule « Root, racine ». Alors, on écoute ça. Thank you. deux très beaux titres de l'artiste Darren Harper, tiré d'un album intitulé Summer Loops. Le premier titre intitulé Root Racine, second titre qu'on vient tout juste d'entendre intitulé Seed Semis. Alors voilà, ça complète le programme sonore de l'accroche-oreille pour ce soir. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez pour la plupart sur les plateformes de musique numérique et je dirais entre autres la plateforme Bandcamp. Alors, je vous le rappelle, le nom des artistes qu'on a entendu ce soir en première partie, Christian Schiffner, suivi de Banana Fish, D. James Wright et enfin Darren Harper. Les pièces sont disponibles sur le site L'Accroche-Oreille, bon, pour ce qui est des titres et des références. Vous trouverez également pour réécoute toute la liste des émissions produites jusqu'à maintenant dans le cadre de l'émission L'Accroche-Oreille. Alors voilà, pour clore l'émission, je vous propose qu'on écoute une dernière pièce, une autre pièce tirée de les Summer Loops planant de Darren Harper, une pièce confectionnée, réalisée, fabriquée pour l'été, c'est le moins qu'on puisse dire, l'été qu'on souhaite parce que le froid est un peu omniprésent de ce temps-là. Alors voilà, on écoute une très belle pièce intitulée celle-là, Pétale. Alors voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.